Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie avec des extraterrestres, mais pour nous, jeunes amis. Pour resserrer les liens familiaux, toute la famille, personne, décide de passer ses vacances dans une grande maison perdue en pleine campagne. L'oncle Nat, son fils Jack, grand-mère Nana Rose et les jumeaux Arélie viennent les rejoindre. Un soir, une étrange tempête s'abat sur la maison et quatre mystérieux objets atterrissent sur le toit. Ce sont des vaisseaux spatiaux transportant de petits extraterrestres bien décidés à conquérir la Terre. La piscine est par là. Salut ! Ils pensaient passer des vacances tranquilles en famille. Mais il y a un petit problème. Un intrus dans la maison. Il a traversé l'univers. Et il n'est pas seul. S'allume ! Nous voulons le paix ! La paix. Nous voulons attaquer ces humains! Ils ont aboli les lois de la pesanteur! Les intrus. Une flotte de ces trucs s'apprête à nous envahir. Prêts? Aux armes. Ils vont devoir unir leurs forces. Couvre-moi. Avec un râteau? Et mener la plus délirante des aventures. Ces trucs qu'ils nous envoient, ça sert à contrôler notre volonté. À partir de maintenant, votre planète devient la nôtre. Délire! Les intrus, une comédie familiale, un DVD Fox Pathé Europa.